n'admets pas que tu ne tolères pas. Et je me demande ce que tu vois. Tu affirmes qu'ils ne t'auront pas, qu'ils ne te changeront pas. Garde ta révolte au fond de toi. Garde ta révolte au fond de toi. Car jeune con, vieux con, toujours égal à toi-même, toi-même, à toi-même. Tant pis pour toi, ça changera. Et si la guerre, c'était une naguère, moi je n'étais pas né naguère. Attends-toi de nouvelles manières, attends-toi de nouvelles manières. Jeune con, ou vieux con, toujours égal à toi-même, à toi-même, à toi-même. Égale à toi-même, à toi-même, à toi-même. Toujours égal à toi-même, à toi-même.